Les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Guimilson ont assisté à la représentation de la troupe centrale de propagande artistique de la jeunesse sous thème « En avant, puissance invincible de la jeunesse » suivant le maréchal au Palais de la culture du peuple à Pyongyang avec Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti travail de Corée.